إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui la partie numéro 3 dans la lecture du livre Al-Muhkam wal-Mutashabih fi at-Takfir wal-Jihad le livre du Cheikh Mohamed Bazmoul Hafizahullah. Et donc on continue dans l'explication des principes qui ont rapport avec Al-Muhkam wal-Mutashabih, c'est-à-dire qu'est-ce qui est explicite et qu'est-ce qui est équivoque dans les textes de la révélation. Et donc le cheikh explique le point numéro 4 qui se rapporte à cette question, c'est les catégories de mutashabih par rapport à leur place et par rapport à leur cause. Du point de vue de leur place dans la révélation et du point de vue de leur cause. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce sont des textes mutashabih. Donc le cheikh il les a divisés en deux catégories. Mutashabihun min jihati al-lafzi faqat وهو نوعان ومتشابه من جهة المعنى فقط. Donc ça c'est la deuxième. En fait il les a divisés en trois. Oui. La première c'est متشابه من جهة اللفظ فقط وهو نوعان ومتشابه من جهة المعنى فقط ومتشابه من الوجهين وهو خمسة أنواع. D'accord. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qui est mutashabih, il peut être mutashabih de plusieurs points de vue. Premièrement, du point de vue du mot lui-même seulement. Donc ça c'est de deux catégories. On va les expliquer après. Le deuxième exemple qu'il mentionne, c'est qu'est-ce qui est mutashabih du point de vue de la signification seulement. Donc ça on va l'expliquer après aussi. Et la troisième catégorie ou la troisième exemple, c'est qu'est-ce qui est mutashabih des deux points de vue précédents, c'est-à-dire les deux points de vue réunis de la du mot lui-même et de la signification. Donc ça c'est la troisième et elle est de cinq catégories. Cette troisième exemple, il est de cinq catégories. Donc le cheikh, il explique le premier exemple, qu'est-ce qui est mutashabih, qu'est-ce qui est équivoque sur le plan du mot lui-même, ou l'emploi du mot ou du terme lui-même. C'est-à-dire le mot qui est équivoque, ou les mots qui sont équivoques. Et c'est de deux catégories. La première catégorie, le cheikh il dit النوع الأول يرجع إلى الألفاظ المفردة إما من جهة غرابة اللفظ وإما من جهة الاشتراك في اللفظ أو التواطؤ. والنوع الثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب وهو يعود إلى ثلاثة أسباب منه ما سببه اختصار الكلام ومنه ما سببه بسط الكلام ومنه ما سببه نظم الكلام من جهة التقديم والتأخير في تقدير المعنى. Donc la première catégorie dans cette première exemple, c'est qu'est-ce qui est relié au mot lui-même. Quand c'est un mot ou un terme, yani qui est un terme très rare, un mot très rare, dont on ne l'utilise pas souvent. Donc il est un peu étrange à cause de ça. Ou bien qu'il soit mutashabih, pas parce qu'il est étrange, mais parce qu'il est, c'est-à-dire à cause du fait qu'il y a beaucoup d'autres mots, disons, al-ishtirak, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est qu'il y a, soit que c'est un mot qui peut avoir plusieurs significations, ou bien soit que c'est différents mots qui peuvent avoir la même signification, donc ça implique une forme d'ambiguïté. Ça, parfois c'est le même mot mais ça ne veut pas dire la même chose, et parfois c'est le même mot et ça implique pas la même, ça ne dessine pas la même réalité, donc ça crée une certaine forme d'ambiguïté ou de tashabo. Et la deuxième catégorie au sujet du mot lui-même, c'est quand c'est un mot qui est dans une phrase. Un mot qui est dans une phrase composée, donc quand il est à l'intérieur d'une phrase, parfois le mot peut avoir plusieurs interprétations à l'intérieur de la phrase, même si le mot lui-même il est connu. À cause de, parfois il y a trois raisons pourquoi c'est comme ça, soit parce que la parole est trop résumée, ou bien soit parce que des fois la parole est trop élaborée justement, fait que ça complique un peu la signification, ou bien parfois c'est à cause de, disons, l'organisation des mots, la façon dont les mots sont mis en avant ou en arrière, ou bien les choses qui sont sous-entendues dans la phrase, ça fait que parfois ça peut rendre la parole mutashabe ou compliquée à comprendre, ou qu'elle peut avoir plusieurs sens. Le deuxième exemple, c'est dans le mutashabih par rapport à la signification seulement. Et le cheikh dit qu'al kayfiyya allati alayha awsaf yawm al-qiyamah wa ma dhukira fil janna wan nar fa inna tilka as-sifat la tatasawwaru lana idha kana yahsulu fi nufusina sura ma lam nahissuhu ou lam yakun min jins ma nahissuh. Donc le cheikh explique que ça c'est comme l'exemple de qu'est-ce qui est comme description du paradis, ou de description de qu'est-ce qu'il y a dans l'enfer, ou bien description de qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection. Yani ces descriptions là peuvent pas être imaginées par nous, même si on est capable parfois de voir une certaine image dans nos esprits. Mais bien entendu, c'est une image de yani, qu'est-ce qu'on n'a pas jamais vraiment été témoin de ça, on n'a jamais constaté ces choses-là par nos sens. Donc on ne peut pas réellement savoir la vraie signification de ces descriptions-là. Et le troisième exemple, c'est qu'est-ce qui est mutashabé dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens du mot lui-même ou bien dans le sens de la signification. Et c'est de quatre exemples, ou quatre sortes différentes, pas quatre, cinq différentes sortes. La première, النوع الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص. Donc ça c'est la première catégorie, c'est quand ça a rapport avec la quantité. Quand ça a rapport avec la quantité, comme par exemple qu'est-ce qui est général ou qu'est-ce qui est restreint et limité ou particulier. La deuxième sorte, c'est min jihatil kayfiyya, al wujub wan nadb. Deuxième point de vue, c'est le comment. Il donne l'exemple de l'obligation et de la recommandation. Et troisième exemple ou troisième sorte, c'est min jihatiz zaman kan nasikh wal mansukh, comme par exemple le troisième cas, c'est la question du temps, dans qu'est-ce qui est abrogé et qu'est-ce qui est abrogeant et abrogé, donc ça a rapport avec le temps. Et le quatrième, min jihatil makan wal umur allati nazalat fiha fa inna man lam ya'rif 'adatahum fil jahiliya wa sadr al-islam yata'azzaru 'alayhi ma'rifatu tafsir ba'd an-nusus. Donc quatrième exemple, c'est en ce qui a rapport avec l'endroit, le lieu. Et il dit que les choses qui ont été révélées, par exemple, dans certains lieux, si on ne connaît pas les traditions et les coutumes, dans comment les choses se faisaient dans la Jahiliya et au début de l'islam, eh bien, il se peut qu'on sera incapable d'interpréter certains textes de la révélation, parce que parfois c'est relié à la compréhension de certains textes sont reliés au fait de connaître certaines coutumes de ces coutumes de la Jahiliya ou certaines choses de la Jahiliya. Et le cinquième sorte, c'est min jihati shurut allati biha yasihhu al-fi'l aw yufsidu ka shurut as-salah wa an-nikah. Donc le cinquième, c'est sur le plan des conditions par lesquelles l'acte va être valable ou ne sera pas valable. Comme par exemple les conditions de la salat et les conditions du mariage. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce que le cheikh a mentionné à ce sujet-là. Pour désigner, pour expliquer les catégories de mutashabih. Ok. Ensuite, le cheikh, il explique une autre chose reliée à qu'est-ce qui est mutashabih. Cheikh, il dit anwa' al-mutashabih min jihati al-ilm bihi. C'est-à-dire les catégories de qu'est-ce qui est mutashabih par rapport ou sur le plan de la connaissance de qu'est-ce qui est mutashabih. C'est-à-dire sur le plan de la connaissance. Qu'est-ce qui est mutashabih par rapport à la connaissance. Et il dit al-mutashabih min jihati al-ilm bihi ou adam al-ilm bihi thalathatu anwa'. Donc en ce qui concerne qu'est-ce qui est mutashabih par rapport à le fait de le connaître ou de ne pas le connaître, de la connaissance de ces choses-là ou de ne pas posséder la connaissance, c'est relié à trois choses ou de trois différentes catégories. Al-awwal naw'un la sabila lil-wuquf 'alayhi illa bi-husulihi ka waqt as-sa'a wa khuruj ad-dabba wa kayfiyatiha. Donc le premier exemple, c'est qu'est-ce qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Ça va être quand cette chose-là va se produire, excepté lorsque ça se produit. Comme par exemple l'heure du jugement dernier. Personne ne peut savoir l'heure du jugement dernier, sauf quand le jugement dernier va se produire. Sinon c'est seulement Allah qui connaît l'heure du jugement dernier. Donc pour nous c'est mutashabé, du fait qu'on ignore l'heure du jugement dernier. Ou bien l'heure de la sortie de la bête, khuruj ad-dabba, et comment elle va sortir. On ne peut pas savoir ça. Hein? Et des choses de ce genre. Quand est-ce que le soleil va se lever de l'ouest, ou des choses de ce genre. Donc c'est mutashabé, d'un certain point de vue, jusqu'à ce que ça se produise. As-sani, ma yumkinu ma'rifatuhu. Donc la première catégorie, c'est qu'est-ce qu'on peut pas savoir du tout sauf quand ça va se produire. La deuxième catégorie, ma yumkinu ma'rifatuhu birruju'i ila usulihi, kal alfaz al-ghariba wal ahkam al-ghaliqa. Donc la deuxième catégorie de qu'est-ce qui mutashabe par rapport à la science, c'est qu'est-ce qu'on peut connaître en retournant à son origine. Comme par exemple les termes très rares, les mots très rares qu'on n'utilise pas souvent, on peut les connaître en retournant à leur origine, à leur racine. Hein? De même que certaines règles qui sont pas très courantes ou pas très connues, on peut les connaître en retournant à leur fondement. Et la troisième exemple, ضرب متردد بين الأمرين ويجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين ويخفى على من دونهم. Donc le cheikh il explique que il y a une autre catégorie, la troisième, c'est quelque chose qui va entre ces deux premiers points qu'on a mentionnés. C'est-à-dire quelque chose qui reste entre ces deux sortes là par rapport à la connaissance. C'est possible que certaines personnes parmi les hommes de science qui sont très enracinés dans la science, c'est possible que certains connaissent la réalité de ces choses là et que ce soit inconnu à d'autres. Donc il y a certaines choses qui sont mutashabih pour certains parce qu'ils n'ont pas assez de science, et pour d'autres, ils ne sont pas mutashabih. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Donc, ça c'est le point numéro 5. Le point numéro 6, laysa fi nusus al-shar'i ma la yu'arafu tafsiruhu wa ma'nahu. C'est-à-dire, dans les textes de la révélation, il n'y en a aucun dont on ignore l'interprétation et la signification. Donc dans les textes de la révélation, il n'y en a pas parmi ceux dont on ignore la signification et l'interprétation. Le cheikh explique ça. Il dit i'lam anna min al-mutashabih ma la ya'lam haqiqatuhu إلا الله أما تفسيره ومعناه فيعلمه من يريد الله أن يعلمه من عباده ولا يعلم أن أحدا من الصحابة والتابعين امتنع عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه ولا قال أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان من بعده قالوا ذلك ولا أهل العلم والإيمان من بعدهم قالوا ذلك وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا لا ريب فيه وبهذا تعلم أن المتشابه هو ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه سواء كان من المتشابه في نفسه كالمجمل من اللفظ أو من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه إلى دليل خارجي وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادئ الرأي. Donc le cheikh il commence à expliquer, il explique, sache que parmi qu'est-ce qui est mutashabih, il y en a des choses que seul Allah connaît. C'est-à-dire parmi qu'est-ce qui est mutashabih, il y en a des choses dont seul Allah connaît la réalité. Mais en ce qui concerne son interprétation et sa signification, alors ça, Allah le fait savoir à qui il veut de ses serviteurs. Et on n'a pas connu de la part d'aucun d'entre les sahaba ou des tabi'in que l'un d'entre eux se serait empêché d'interpréter ou se serait retenu d'avoir interprété un verset d'entre les versets du livre d'Allah ou un hadith d'entre les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc aucun d'entre les sahaba ou les tabi'in a refusé de donner l'interprétation d'un verset dans le livre d'Allah ou d'un hadith parmi les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il n'y a personne d'entre les imams, parmi les salafs de la Umma et parmi les imams de la Umma qui sont suivis, il n'y en a aucun qui aurait dit par exemple que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ignorait la signification et la compréhension de certains d'entre les versets du Coran. Personne n'a jamais dit ça. Aucun homme de science et de foi, après eux, n'aurait jamais dit ça. Hein? Donc, il se peut par contre que certains nient une partie de la science de ces choses-là de certains d'entre les hommes. C'est-à-dire, il se peut que certains d'entre les hommes ignorent une partie de la science qui est rattachée à certaines de ces choses-là. Et ça, il n'y a pas de doute. Et donc c'est ainsi qu'on doit comprendre que qu'est-ce qui est mutashabih, c'est qu'est-ce qui est difficile ou compliqué à comprendre. C'est la chose dont la signification est compliquée ou difficile et cause des problèmes dans la compréhension. Et dont on n'arrive pas à comprendre le sens réel. Peu importe que ce soit à cause du fait que c'est quelque chose qui est mutashabih en lui-même, comme par exemple un mot qui serait trop général ou qui n'aurait pas un sens clair, qui serait vague par exemple, ou bien du fait que ce soit mutashabih dans le sens que c'est quelque chose qui nécessite une preuve extérieure à elle-même pour être comprise, même si en elle-même elle est comprise à première vue. La signification, elle est connue à première vue lorsqu'on le lit, en apparence. Sauf que on a besoin d'une autre preuve pour la comprendre. Ensuite, le cheikh, il dit أن تشابهه نسبي وأن متشابهه نسبي إذ في حقيقة الأمر له بيان وله تفسير. Donc il faut comprendre que si on dit de ces choses-là que ce sont des choses mutashabih, c'est seulement relatif. Parce que dans la réalité, son explication et son tafsir, il est connu. Il est connu. C'est-à-dire il y a un tafsir et il y a une explication à ce verset-là, même si il n'est pas compris ou connu de tout le monde. Et c'est pour ça, et le cheikh dit ومن هنا فإنك لا تجد دليلا يستدل به مخالف للسنة على قوله إلا وتجد فيه أو معه ما يبطل استدلاله به على باطله سواء ذلك في القرآن العظيم أو في السنة النبوية. Donc il dit c'est à partir de là on peut comprendre que quelqu'un qui oppose la sunna, s'il essaie d'utiliser une preuve pour supporter son opposition de la sunna et pour défendre sa position, tu vas réaliser que en réalité, dans cette preuve-là qu'il a ramenée, ou avec cette preuve-là, il y a ce qui vient détruire son argumentation et qui vient prouver que ce qu'il dit est faux. Soit que c'est dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit قال ibn Taymiyyah rahimahullah قاعدة شريفة وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل وهذا ظاهر يعرفه كل أحد فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل. ويبقى الكلام في أعيان الأدلة وبيان انتفاء دلالتها على الباطل ودلالتها على الحق، وهو تفصيل هذا الإجمال. والمقصود هنا شيء آخر، وهو أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطى حقه وتميز ما فيه من حق وباطل، وبين ما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس الأمر، ما يحتج به عليه في نفس الأمر الذي يحتج به المبطل، وبينما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه. وهذا عجيب قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك. نعم. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique une règle ici qui est rapportée dans Majmou' al-Fatawa, le volume 6 à la page 288. Il dit qu'il y a une règle noble. Cette règle, c'est que toute chose que la personne qui essaie de défendre la fausseté et le mensonge, tout ce qu'elle va essayer d'utiliser comme preuve dans la charia ou bien dans la raison, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que cette preuve-là, elle indique uniquement elle prouve uniquement la vérité. Elle ne prouve pas la position de cette personne qui défend la fausseté et le mensonge. Et ça, c'est clair. Toute personne le sait. Tout le monde sait ça. Parce que la preuve qui est correcte, elle ne peut indiquer que la vérité et non pas le faux. Elle ne peut prouver que la vérité et non pas qu'est-ce qui est faux. Donc, une fois qu'on a compris ça, maintenant on peut comprendre, il reste seulement à clarifier la preuve elle-même et de clarifier également que ce que la personne essaie de prouver par cette preuve-là pour défendre le faux, eh bien, ça ne s'applique pas du tout à cette preuve, et c'est de montrer que il faut détailler justement la question si elle est un peu si c'est une preuve qui est générale, donc de ramener les preuves détaillées qui vont prouver que la preuve qu'il a mentionnée ne s'applique pas ou ne prouve pas son point, en ramenant les clarifications détaillées. Et le cheikh, il dit que l'objectif ici, c'est quoi? C'est autre chose, c'est plutôt de dire que la preuve même qu'il a ramenée, hein, pour essayer de défendre sa fausseté et son mensonge, si on lui donne son droit, hein, et qu'on distingue ce qu'il y a dedans, hein, comme vrai et comme vérité et comme fausseté, et qu'on fait la distinction donc entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a ramené, et entre également ce qui وتميز في ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه. Donc si on fait la distinction entre qu'est-ce qui est dedans comme vérité, comme fausseté, et entre ce que cette preuve indique réellement, donc on va arriver à clarifier la fausseté de la parole de cet individu qui essaie d'utiliser cette preuve incorrectement pour justifier sa position, hein, à partir même de la preuve qu'il a essayé d'utiliser pour défendre son idée ou son point qui est faux. C'est-à-dire que la preuve même qu'il ramène pour défendre sa fausseté devient un argument contre lui. C'est ça qu'il veut dire, le cheikh. Et il dit ça, c'est une chose étonnante, et je l'ai observé dans un grand nombre de preuves de la révélation, et j'ai vu que c'était le cas, que c'était ainsi. Mais comme on a expliqué, il se base souvent sur des preuves qui sont générales et qui sont, disons, globales, et il laisse de côté les détails et les clarifications détaillées dans les autres textes, les textes qui sont explicites. En réalité, lorsqu'un mubtadi' ou quelqu'un d'égarement utilise quelque chose comme preuve, en réalité, c'est une preuve contre lui-même. Cette même preuve-là qu'il a utilisée pour essayer de justifier le faux ou montrer quelque chose de faux, c'est en réalité une preuve contre lui-même. Et tu peux utiliser cette preuve-là pour lui montrer qu'il a tort complètement, qu'il est dans l'égarement avec cette preuve. Non, il dit que la preuve-là qu'il utilise, cette preuve-là, elle prouve la vérité, pas la position que lui, il a qui est fausse. Mais c'est que lui, il essaie de prouver avec cette preuve-là qui est une preuve de vérité, il veut défendre la fausseté avec. Donc tu peux l'utiliser contre lui. Ok, ben là, on va continuer. Le point numéro 7. Qu'est-ce qui est mutashabih par rapport au fait de trouver sa réalité? Al-mutashabih min hadhihi al-jiha ala qismin. Al-qism al-awwal min al-mutashabih ma yudraku ma'nahu wa tafsiruhu dun al-wuquf ala haqiqatihi. Ka umur al-qiyama wal-akhira. Wa wasaf al-janna wal-nar. Wa ma fihima. ويمكن أن يدرج في هذا القسم صفات الله عز وجل من جهة إدراك الكيفية من جهة إدراك كيفيتها كما قال السلف الاستواء معلوم والكيف مجهول وإرجاع المتشابه إلى هذا إلى المحكم بأن يوكل علم حقيقته إلى الله سبحانه وتعالى ويترك الخوض فيه بالرأي والعقل فهذا من السمعيات المتلقاه أو الملتقاه عن جناب الشرع لا مجال للخوض فيها بالظن والتخمين فيقف المسلم عند حد النصوص ولا يتجاوزه إلا وقع في البدعة. Donc là, quand on parle du fait de qu'est-ce qui est mutashab par rapport au fait de connaître sa réalité, on peut dire que à ce point-là, il y a deux catégories. La première, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre dans sa réalité. On peut savoir sa signification et son interprétation, mais on peut pas connaître sa réalité. Comme par exemple, qu'est-ce qui a rapport avec le jour de la résurrection et qu'est-ce qui est dans l'au-delà, et également les descriptions du paradis et de l'enfer et des choses de ce genre. Et on peut également faire entrer dans cette catégorie-là les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens de qu'est-ce qui a rapport avec le commun de ces attributs-là. Puisque les salafs disaient Al-istiwa ma'loum wa al-kayf majhoul. C'est-à-dire, l'istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, ça c'est connu. Hein, on connaît sa signification. Mais le comment est inconnu. Et donc, de ramener le mutashabih de ces choses-là vers qu'est-ce qui est muhkam, c'est-à-dire de les remettre à celui qui connaît la réalité de ces choses-là, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'abandonner le fait d'essayer de deviner ou de patauger dans ces choses-là avec notre opinion ou avec notre intelligence ou notre raison. Donc, فَهَذَا مِنَ السَّمْعِيَاتِ الْمُتَلَقَّةِ عَنْ جَانِبِ الشَّرْعِ. Donc ces textes-là qui sont trouvés dans la charia, on n'a pas à essayer de patauger dedans ou à rentrer dedans avec nos suppositions, essayer de comprendre leur réalité. On ne peut pas faire ça. Le musulman, il doit s'arrêter à la limite des textes dans ces choses-là et ne pas les dépasser, sinon il tombe dans la bid'ah. Donc ça c'est pour la première catégorie. En ce qui concerne maintenant la deuxième catégorie de mutashabih, c'est qu'est-ce qu'on peut le cheikh dit ma yudraku ma'nahu wa tafsiruhu wa yuqafu ala haqiqatihi walakin bi shart irja'ihi ila al-muhkam alladhi yuzilu ghumudahu wa ibhamahu. Donc le cheikh il dit comme deuxième exemple ou deuxième catégorie, qu'est-ce qui est mutashabih, et dont on peut connaître la signification et l'interprétation, et dont on peut connaître la réalité, mais à condition de ramener ces textes-là aux textes explicites qui les expliquent, dans le but d'enlever qu'est-ce qui est ambigu et qu'est-ce qui est général ou qui n'est pas clarifié. Et donc il donne des exemples de ça. Il dit le mutashabih min jihati kawnihi ghariban yurja'u ila tafsirihi wal mutashabih min jihati ijmalihi yurja'u ila mubayyinihi wal mutashabih min jihati itlaqihi yuhmalu ala muqayyidihi wal mutashabih min jihati 'umumihi yuhmalu ala mukhassisihi. فالمتشابه هنا يبقى طالما لم ترجع إلى المحكم. Donc le cheikh il dit chacun de ces exemples de qu'est-ce qui est mutashabih, on le ramène au muhkam selon sa catégorie. Donc si c'est quelque chose qui est mutashabih à cause du fait que c'est une signification qui est rare, on la ramène à son tafsir, à son explication et son interprétation. Si c'est mutashabih par rapport au fait que c'est une chose qui est un terme qui est général et qui est vague, on le ramène à qu'est-ce qui vient le clarifier. Si c'est quelque chose qui est mutashabih parce que il n'a pas été restreint, on le ramène à un autre texte qui va le limiter et le restreindre dans son sens et dans sa signification. Si c'est quelque chose qui est mutashabih par rapport au fait que c'est général, encore une fois, en moum, donc on le ramène à qu'est-ce qui est spécifique, qui va le clarifier. Et ainsi de suite. Donc chaque fois qu'on trouve quelque chose qui est mutashabih, on le ramène à qu'est-ce qui est muhkam dans le but de le faire comprendre et de le clarifier. Le cheikh dit والذين يتبعون ما تشابه منه الى والذين يتبعون ما تشابه منه هم الذين لا يرجعون به الى المحكم فاولئك الذين ذكرهم الله او ذكر الله في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc le cheikh il dit que ceux qui suivent ce qui est mutashabih, qui peut avoir plusieurs sens, ce sont ceux qui ne ramènent pas ces textes-là à qu'est-ce qui est muhkam. Et c'est ce que Allah a mentionné dans le verset 7, dans surat Al-Imran, qu'on a mentionné dans les cours précédents. Dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre dans lequel il y a des versets qui sont explicites et clairs, qui sont muhkamat, qui sont la base du livre, tandis qu'il y en a d'autres qui sont mutashabihat, qui peuvent avoir plusieurs sens. Ceux qui ont une déviation dans le cœur suivent uniquement ce qui peut prêter à plusieurs interprétations ou plusieurs significations, parce qu'ils cherchent la fitna et ils cherchent à l'interpréter, et nul ne connaît sa réalité excepté Allah. Et ceux qui sont fermement ancrés dans la science disent, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. Et c'est seulement ceux qui sont doués de raison qui se souviennent. Donc le cheikh dit, ويدخل في هذا الأمور المتشابهة من الحلال والحرام. وإن شئت جعلتها قسما مستقلا وهو ما جاء في حديث النعمان ما جاء في حديث عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فأفاد الحديث في أن في الدين متشابهات وأن اشتباهها إنما هو بالنسبة إلى قصور نظر الناس ولذلك قال متشابه لا يعلمهن كثير من الناس فأفاد أن بعض الناس يعلموهن الشيخ explique que on peut également faire rentrer dans cette catégorie de mutashabiha qu'est-ce qui est relié à au halal et au haram. Et si tu veux, même tu peux en faire une catégorie indépendante. Comme qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith de An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, alors que An-Nu'man mettait ses doigts dans ses deux oreilles, il disait que qu'est-ce qui est halal, il est clair, et qu'est-ce qui est haram, il est clair. Et entre les deux, il y a des choses qui sont équivoques, hein, mutashabihat, dont seulement peu de gens connaissent la réalité. Alors, celui qui prend garde et s'écarte des choses qui sont équivoques ou qui ne sont pas claires, alors il a préservé sa religion et son honneur. Tandis que celui qui tombe dans qu'est-ce qui est pas clair dans les shubuhat, alors dans ce cas-là, il tombe dans le haram. Comme un berger qui vient faire pâtre son troupeau autour d'une clôture ou près d'une clôture. Eh bien, c'est bien possible que il va faire manger ses moutons dans l'endroit où il y a yani la clôture, c'est-à-dire ils vont dépasser la limite. Et ensuite il mentionne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc que tout roi a une clôture ou une limite. Et la limite d'Allah, c'est ses interdictions. Et il mentionne ensuite, il dit certes il y a dans le corps un morceau, s'il est bon, tout le reste du corps sera bon, et s'il est corrompu, tout le reste du corps sera corrompu, et certes c'est le cœur. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il dit que ce hadith indique donc que dans la religion il y a des mutashabihat, et donc qu'est-ce qui est mutashabih dans la religion? C'est uniquement dû à la limite de la connaissance de certaines personnes. Parce que dans le hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des choses qui sont mutashabihat, que beaucoup de gens, beaucoup d'entre les gens ne connaissent pas. Donc, c'est-à-dire que ils ne le connaissent pas, c'est-à-dire que certaines personnes ne les connaissent pas à cause de leurs limites dans la science. وتلاحظ الأمور التالية أن التشابه في القسم الأول هو ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على حقيقته قليل في النصوص فهي أمور محصورة وأنه تشابه حقيقي إذ لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقته وأن التشابه في القسم الثاني هو ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقته بشرط رده إلى المحكم تشابه إضافي لأنه لم يصر متشابها من حيث وضع في الشريعة ومن جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر، ولكن الناظر قصر ولكن الناظر قصر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباعا للهوى، فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة، وإنما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة، فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه، لأنهم إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان فما ظنك بهم بدونه. Ici le cheikh explique que on doit faire observer un point ici, c'est que dans la première catégorie on a mentionné que qu'est-ce qui est mutashabe, c'est qu'est-ce que la chose dont on peut connaître la signification et l'interprétation, mais dont on ne peut connaître la réalité. Et il dit que ça, c'est très peu dans les textes de la charia, ce sont une quantité limitée de textes. Et que ça, c'est une forme qui est une chose, une forme de texte équivoque, qui est une équivoque réelle. C'est-à-dire qu'il est un tashabou qui est réel, puisqu'on n'arrivera jamais à connaître la réalité de ces choses-là dans cette dunya. Hein? Comme par exemple, les descriptions du paradis et de l'enfer, la réalité de ces choses-là, et la réalité des attributs d'Allah dans cette, donc ça c'est des exemples. Et ensuite, il dit que la deuxième catégorie, c'est la chose dont on ne peut connaître, la chose dont on connaît la signification et le tafsir, et qu'on peut connaître la réalité, et dont on peut connaître la réalité, mais à condition de le ramener à qu'est-ce qui vient le clarifier, comme parmi qu'est-ce qui est muhkam. Et on dit que donc ça c'est une forme de tashabuh qui est, si on veut, relative, et que en elle-même, elle n'est pas mutashabiha, c'est-à-dire les textes de la charia ne peuvent pas être décrits comme étant mutashabih, puisque at-tashabuh, hein, le fait que le texte, ces choses-là soient équivoques, c'est en réalité relié à la vision limitée de la personne qui a fait peu d'efforts dans le but de comprendre la réalité de ces textes-là, ou bien parce qu'il s'est dévié de la voie de la clarification en suivant sa passion dans ces choses-là. Donc on ne doit pas décrire ces textes-là ou les preuves de la charia en disant qu'elles sont équivoques réellement, puisque le fait qu'elles soient équivoques se limite uniquement à la personne qui observe ces textes-là à cause de ses limitations, à cause de son ignorance des preuves et des endroits et des applications des preuves, si on veut, et on va dire à leur sujet, au sujet de ces personnes-là, donc qu'ils suivent qu'est-ce qui est mutashab, parce que لأنهم إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان, donc si ils sont dans cet état-là après que la clarification a été donnée, alors que dire de ceux qui n'ont pas reçu la clarification, hein, et qui sont en dessous de ceux-là. والحاصل أن المتشابه من جهة الوقوف على حقيقته أقسام قسم يقف على معناه ولا تدرك حقيقته وقسم يقف على معناه وتدرك حقيقته على وهو على نوعين ما يرجع إلى الأدلة وما يرجع إلى مناط الأدلة لا إلى الأدلة فالنهي عن أكل الميت واضح والإذن في أكل المزكاة واضح فإذا اختلطت الميتة بالمزكاة حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أو تحريمه ولكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في الاشتباه أو في اشتباهه وهو الاتقاء حيث يتبين الأمر وهو أيضا واضح لا تشابه فيه وهذا سائر ما وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع مما يكون محله الاشتباه فيه المناط لا نفس الدليل فيه المناط لا نفس الدليل. Donc le cheikh explique un point ici, il dit que qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer, pour résumer tout ça, c'est que en ce qui concerne le mutashabih et le fait de connaître sa réalité, on peut dire que ce sont différentes catégories. Première catégorie, c'est ce dont on peut connaître la signification et non la réalité. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on peut connaître la signification, ce dont on peut connaître la signification et la réalité. Et il est de deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on ramène aux preuves dans le but de le clarifier, pour connaître sa réalité. Et la deuxième catégorie, c'est ce dont c'est ce qu'on ramène à qu'est-ce qui se rattache aux preuves et non aux preuves elles-mêmes. Parce que l'interdiction de manger de la viande qui est morte, ça c'est clair. Et la permission de manger de la viande qui a été égorgée, ça c'est clair aussi. Mais si par exemple ces viandes-là ont été mélangées ensemble, c'est-à-dire on a mélangé de la viande qui a été égorgée avec de la viande morte. Donc, qu'est-ce qui est équivoque ici ou ambigu ici? C'est pas dans les preuves qui interdisent la viande morte, ni dans les preuves qui rendent licite de manger de la viande égorgée, mais l'ambiguïté ici, elle se trouve dans les choses qui sont reliées à ces preuves-là, du fait qu'on a mélangé ces viandes, et donc dans ce cas-là, le texte est venu nous clarifier le verdict de ce genre d'ambiguïté, du fait qu'il nous ordonne, le texte nous ordonne de nous en écarter lorsqu'on n'arrive pas à clarifier les choses ou à distinguer entre les choses qui sont halal ou haram. Dans ce cas-là, on s'en écarte dans le but d'éviter le haram. Et donc, en réalité, donc on voit que c'est quelque chose qui est clair et qui n'est pas ambigu lorsqu'on le ramène à ce texte-là, par exemple. Et donc, ça, c'est tous les autres textes qui rentrent dans cette catégorie-là. On peut dire donc que l'ambiguïté, elle n'est pas dans le texte lui-même, mais dans les choses qui se rattachent à la compréhension de ces textes. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on complétera la lecture des autres points qui sont reliés à Al-Muhkam et Al-Mutashabih dans les cours précédents, dans les cours suivants. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.